Chant numéro 9. Lorsque ton Charles mue belle Clémence instruit sur chacun de ses points, il me dit les déboires que sa progéniture allait souffrir plus tard, mais ajouta « Tais-toi, laisse passer le temps. » Partant, je n'en dis rien, sinon qu'il vous viendra une juste douleur derrière vos disgrâces. Déjà l'esprit vital de la sainte lumière se retournait pour voir le soleil qui le comble, comme l'unique lieu pour qui chacun est tout. Cœurs qui vous fourvoyez, créatures impies qui détournez les cœurs de ce bien souverain pour diriger vos vœux vers quelque vanité. Voici qu'un autre éclat qui m'apparut soudain se rapprochait de moi, montrant par la splendeur qui rayonnait sur lui son désir de me plaire. Les yeux de Béatrice étaient posés sur moi et, comme tout à l'heure, assuraient mon désir que j'avais obtenu son cher assentiment. Ô bienheureux esprit, contente donc plus vite, lui dis-je, mon désir, et fournis-moi la preuve que tu peux réfléchir le fond de ma pensée. Alors cette clarté, nouvelle encore pour moi, du profond d'elle-même, ayant fini son chant, heureuse de pouvoir bien agir, répondit. Dans cette portion de terre italienne perverse, qui s'étend des bords du Rialto jusqu'au commencement du Piave et du Brenta, se dresse une hauteur de moyenne importance, d'où descendit jadis une torche allumée qui mit à sang et feu toute cette contrée. Elle et moi, nous sortons de la même racine. Mon nom fut Kunitsa. Si tu me vois ici, c'est pour avoir senti le feu de cette étoile. Pourtant, je me pardonne allègrement moi-même la source de mon sort et n'ai point de regret, ce qui pourrait sembler incroyable ou vulgaire. Quant à ce cher joyau, baignant dans la clarté et qui dans notre ciel est le plus près de moi, il laisse un grand renom qui ne doit pas s'éteindre, même en multipliant notre siècle par 5. Vois si l'homme fait bien lorsqu'il excelle, en sorte qu'il gagne en sa première une seconde vie. La foule d'à présent ne pense pas ainsi, qui vit entre l'Adige et le Tagliamento, et ne se repent pas pour fort qu'on la flagelle. Pourtant, en peu de temps, vous allez voir Padoue changer l'eau du marais où se baigne Vicence, car son peuple obstiné se rebelle au devoir. Et à l'endroit qui joint le Sile et Camiano, telle tranche du Seigneur, et va à la tête haute, quand déjà, pour le prendre, on prépare les raies. Et à son tour, Feltro pleurera sur le crime de son pasteur pervers, qui doit sembler hideux bien plus qu'aucun de ceux qui conduisent à Malte. Le baquet serait grand qui devrait recueillir tout le sang ferrarais, et l'on se lasserait si jamais on voulait peser once par once le sang que va livrer ce prêtre magnanime par esprit partisan. Des présents de ce genre sont conformes d'ailleurs aux mœurs de ce pays. Plus haut sont ces miroirs, vous les appelez trônes, où resplendit pour nous la lumière de Dieu. C'est pourquoi ce langage est à sa place ici. Ensuite, elle se tut, montrant par son aspect que son attention allait vers d'autres choses, et rentra dans la ronde où d'abord elle était. Quant à l'autre bonheur qu'on m'avait signalé comme un objet de prix, il brilla tout à coup, comme un rubis balayé sous les feux du soleil. L'éclat s'acquiert là-haut à force d'allégresse, comme le rire ici, mais les ombres d'en bas s'assombrissent, d'autant qu'augmente leur tourment. « Dieu voit tout, » dis-je alors. « Ta vue, esprit heureux, plongeant son sein si bien qu'aucun de mes désirs ne saurait échapper à tes yeux clairvoyants. Ainsi, pourquoi ta voix, qui réjouit le ciel en s'unissant au chant de ces pieux flambeaux aux six ailes qui font une espèce de cape, ne daigne-t-elle pas répondre à mes désirs? Je n'attendrai pas, moi, que tu me le demandes, si je te pénétrais comme tu vois en moi. La fosse la plus grande où se rassemble l'eau fut le commencement qu'il fit à son discours. À part la grande mer qui fait le tour du monde, court si loin tout au long de ses bords opposés, à rebours du soleil, que son méridien lui sert en même temps de premier horizon. Or je fus riverain de cette grande fosse, entre l'Elbe et Magra, dont la brève carrière a toujours séparé le Génois du Toscan. Presque au même couchant et au même levant, son bougie est la ville où j'ai reçu le jour, et qui fit de son sang rougir les eaux du port. Et Foulque m'appelait la région du monde qui connaissait mon nom, et j'empreigne ce ciel comme jadis lui-même était empreint en moi. La fille de Bélus, qui causa tant de tort à Sicée aussi bien qu'à Creuse, a brûlé moins que je ne l'ai fait avant que de blanchir. La Rhodopée aussi, celle qui fut trompée par son Démophon, ou bien Alcide même, lorsqu'il portait au cœur caché le nom d'Iole. On ne s'en repent pas ici, mais nous rions, non pas de notre faute à jamais oublier, mais du fait du pouvoir qui pourvoit et ordonne. Ici, nous contemplons un art qui rend plus beau cet immense édifice, et admirons le bien par lequel le ciel haut fait tourner les plus bas. Si tu veux remporter pleinement satisfait chacun de tes désirs conçus dans cette sphère, il faut continuer ces explications. Tu désires savoir quelle est cette clarté qui brille auprès de moi d'un aussi vif éclat qu'un rayon de soleil dans une eau transparente. Sache que dans son sein jouit de son repos Rab, laquelle, admise en notre compagnie, emporte au plus haut point la lumineuse empreinte. Car c'est dans notre ciel, où finit le coin d'ombre que votre monde fait, que le Christ triomphant la fit entrer jadis avant tout autre esprit. Ce n'est pas sans raison qu'on en fit un trophée, commémorant aux cieux l'éclatante victoire qu'ont remporté alors les deux paumes ouvertes, puisqu'elle seconda la première des gloires que gagna Josué dans cette terre sainte, qui laisse indifférent le pape d'aujourd'hui. C'est Tacité d'ailleurs, ouvrage de celui qui jadis a tourné le dos à son auteur, et dont l'ancienne envie a causé tant de pleurs, qui produit et répand cette maudite fleur, qui fait que la brebis et son agneau s'égarent, et que souvent le loup se transforme en berger. Pour elle, on délaisse aussi bien l'évangile que les docteurs sacrés. Ce n'est qu'au décrétal que l'on s'applique encore, comme on le voit aux marges. Le pape même en rêve avec ses cardinaux. Plus jamais son pensée ne va vers Nazareth, où l'ange Gabriel a déployé ses ailes. Mais tout le Vatican et les autres parties les plus saintes de Rome, qui furent cimetières des foules qui jadis suivaient les pas de Pierre, se verront délivrés bientôt de l'adultère.